Epia solo mamaga mwana mwasi akolina likopo na dimi aeba na solo na mekakina tuna motema na ye miseteli ege lokola zindeli kambo hakangi motema wapi mwaye asali etuta memwara juge kaka tolingana na yege Yebanga na lingi yo, c'est la vérité, rien que la vérité. Oh, yeba mide, c'est la yabandale, et comme linga likambo. Maman, maman, c'est pas possible. Ni tout mambo, yoga likambo. Pia solo mamara mwana mwasi akolina likopo na dimi aeba na solo na mikakina tuna motema na ye miseteli ege lokola zindeli kambo akangi motema wapi mwaye asali etuda memwara juge kaka tolingana na yege Yebanga na lingi yo, c'est la vérité, rien que la vérité. Oh, yeba mide, c'est la yabandale, et comme linga likambo. Motema yege, motema nga na kole langa. Mapanzo ya mide, comme linga likambo, ya bigila ekingaka. C'est la vérité, rien que la vérité, maman dans la vie. N'a pas si confiance, n'a pas ni gorille comédé. C'est la vérité, rien que la vérité, n'a pas béni en ta gueule. N'a pas imba, n'a combina, n'a compta la séance qui t'envoie magie. Et maman, bolingo, montez-moi. Ire mote vanga na kolelaga ma banzo ya mete komi ninga likambo ya bilila ekingaka c'est la vérité que la vérité on ti kudie ni mayanga bosembo mama mona moto yebaka o mama bubo sambi ngai mobali na bala pena bota na kumi kolanda osima boye Maintenant la pluie, c'est la vérité, rien que la vérité. N'a pas sa nabane, n'a pas yo. N'a pas si confiance, n'a pas l'ingoko yo comédé. C'est la vérité, rien que la vérité. N'a pas l'ingoko yo comédé. N'a pas l'ala, n'a pas l'ota, n'a pas l'ela. C'est un cul d'or, quoi, y'a magie. Et maman, c'est la vérité, rien que la vérité. Ou remédé, bolingo. Oh, oh, oh, oh.